Exercice 7, page 56. A. Si tu peux, allume. B. Si tu peux, annule. C. Si tu peux, calcule. D. Si tu veux, écris. E. Si tu veux, choisis. F. Si tu veux, conduis.